Yangotina nini nzambe usalanga iboye mama nakufa poetino Aminata fiancé, Aminata chérie, si tu m'aimes de tout ton cœur, donnez-moi tout ce que je veux. Chérie Amina, dis à papa je t'aime aussi, et que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Chérie Amina, dis à papa tu m'aimes aussi, l'amour c'est l'amour, il n'a pas de frontières. Et si va la vie chérie, mon cœur on m'a trahi. L'amour c'est l'amour, il n'a pas de frontières. Ma maladie songe à moi ou à jamais. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Et si va la vie chérie, mon cœur on m'a trahi. L'amour c'est l'amour, il n'a pas de frontières. Ma maladie songe à moi ou à jamais. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Merci pour la vie chérie, mon cœur m'a trahi. L'amour c'est l'amour qui n'a pas de frontières. Ma maladie songe à moi ou à jamais. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Mon cœur est blessé, c'est l'amour. Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme. Yeah. Ara consoré, sabule père. la fille, tout petit.